franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, direction Guantanamo, le centre de détention américain installé sur l'île de Cuba. Le 28 décembre 2001, moins de 4 mois après les attentats du 11 septembre, cette base navale, louée par les États-Unis depuis 1903, devient une prison de haute sécurité. Entre-temps, les Américains ont déclaré la guerre à l'Afghanistan, refuge d'Oussama Ben Laden et de ses centres d'entraînement. Des centaines de terroristes et membres présumés d'Al-Qaïda sont capturés sur le champ de bataille et envoyés au camp de Guantanamo. Ils deviennent alors des combattants illégaux pour qui le seul droit est de ne pas avoir de droit. Interrogatoires brutaux, tortures psychologiques, conditions dégradantes, emprisonnement illimité sans procès et sans avocat, peu à peu, Guantanamo se transforme en symbole d'un système qui fonctionne au mépris des lois les plus élémentaires d'une démocratie. Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons, disait Dostoïevski. Comme quoi, les geôles de Guantanamo émergent le portrait d'une Amérique déboussolée qui utilise sa guerre contre le terrorisme pour justifier l'injustifiable. Que se passe-t-il réellement derrière les barbelés de cette prison pas comme les autres? Qui sont ces ennemis de l'Amérique? Au cours de ce récit, nous entendrons la voix de Nizar Sassi, français originaire de Vénissieux, arrêté au Pakistan en décembre 2001. Emprisonné à Guantanamo, il en ressort 2 ans et demi plus tard. À son arrivée en France, il est arrêté et écroué pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À sa sortie, 18 mois plus tard, il ne cessera de raconter son expérience, sa lente descente aux enfers, comme il l'appelle. Et même si l'homme ne dit pas tout, son récit demeure un témoignage précieux. Après le récit, nous évoquerons le présent de Guantanamo avec notre invité Yves Prigent, responsable du programme Responsabilité des États et des entreprises chez Amnesty France. En 2005, l'ONG, cette ONG-là, estimait que Guantanamo était devenu le goulag de notre époque. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 11 septembre 2001, le jour se lève sur la baie de Guantanamo, sud-est de l'île cubaine. À quelques encablures de la ville, les rues en damier et les slogans révolutionnaires laissent place à une longue route déserte jusqu'au mirador de Malone, où se dressent 2 barrages militaires cubains. De l'autre côté, la sentinelle est américaine. Bienvenue à la base aéronavale de Guantanamo. 50 km carrés de terre ferme louée aux États-Unis par Cuba depuis près d'un siècle. Ici, au cœur du bastion castriste, au centre de la région des Caraïbes, résident près de 2500 militaires américains qui s'entraînent jour après jour, retranchés derrière des barbelés et des champs de mines, coupés du monde. Peu avant 9h, ce matin du 11 septembre 2001, l'air est déjà brûlant, la chaleur humide et poussiéreuse. Guitmo, comme on la surnomme ici, se réveille doucement. Au même moment, à 2300 km de là, à New York, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Il est 8h46, c'est le début d'une journée en enfer. 18 minutes plus tard, alors que les chaînes de télé diffusent en direct les images de la première tour en flammes, un deuxième avion s'écrase au sommet de la tour sud dans une gigantesque explosion. Puis, c'est un troisième et un quatrième avion qui se crache sur le Pentagone et à Shanksville, en Pennsylvanie. Les Twin Towers s'effondrent comme un château de cartes emportant le siècle dernier dans leurs cendres. Le monde entre alors dans une nouvelle ère et l'Amérique se prépare à affronter de nouveaux ennemis. Le président des États-Unis, George Bush, l'évoque le soir même de la tragédie lors de sa troisième allocution à la nation. Des milliers de vies ont soudain été fauchées par des actes de terreur, maléfiques et méprisables. Immédiatement après le premier attentat, j'ai déclenché nos plans d'urgence. Nos armées sont puissantes et sont prêtes. Nos équipes d'urgence sont à l'œuvre à New York et Washington pour contribuer aux efforts locaux de sauvetage. Les recherches sont en cours pour retrouver ceux qui sont derrière ces actes funestes. J'ai donné l'ordre pour que toutes nos ressources en matière de renseignement et de police s'attellent à retrouver les responsables et à les traduire en justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré ces actions et ceux qui les protègent. Les morts ne sont ni enterrés ni même comptés que la question est déjà sur toutes les lèvres. Qui attaque l'Amérique ? Très vite, un nom circule, celui d'Oussama Ben Laden, dissident saoudien, fondateur du réseau djihadiste Al-Qaïda. L'enquête est menée grand train, et trois jours plus tard, le 14 septembre, les États-Unis le désignent officiellement comme l'organisateur des attentats. De principal suspect, Oussama Ben Laden devient l'ennemi numéro un du monde occidental, le monde civilisé, comme le veut la représentation mentale du président américain. Sa tête est mise à prix, 5 millions de dollars, et la pression monte sur l'Afghanistan. Accusé de donner asile aux terroristes, c'est dans ces montagnes, protégées par le régime des talibans qui contrôle une partie du pays depuis 1995, Oussama Ben Laden réside et dirige ses camps d'entraînement djihadistes. Les États-Unis réclament son extradition, mais l'Afghanistan refuse. Alors la riposte est immédiate. Dans la nuit du 8 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre, l'opération Liberté Immuable est lancée. Les forces américaines et britanniques frappent massivement les installations stratégiques du régime des talibans. C'est donc ainsi que commence la guerre de George Bush, une guerre globale contre le terrorisme selon l'expression consacrée. Ici, pas de terre à conquérir, ni d'armée à anéantir. Non, c'est une guerre contre un concept, celui de la terreur. Et à nouveau paradigme, nouvelle méthode. Oui, tous les coups seront permis. Et l'administration Bush ne s'en cache pas. Dans son allocution au Congrès, juste après les attentats du 11 septembre, le président américain assène « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, donc avec les terroristes ». Vulnérable, profondément choqué, l'Amérique adhère à cette dialectique simpliste porteuse de tant de tourments pour l'avenir. Et c'est ainsi qu'aucune voix ne s'élève lorsque le 16 septembre 2001, en prime time sur la chaîne américaine NBC, le vice-président Dick Cheney assume clairement qu'il va falloir se salir les mains. Nous devons agir dans l'ombre, pour ainsi dire. Passer du temps dans les ténèbres du renseignement, là où se passent des affaires louches, dangereuses et sales. Pour cela, nous devons libérer de toute contrainte les services de renseignement pour qu'ils puissent conduire leur mission. Le 13 novembre 2001, un mois seulement après le début de l'offensive anglo-américaine en Afghanistan, les troupes de l'Alliance du Nord, alliées aux Occidentaux, entrent dans Kaboul. Le régime des talibans est renversé. Les États-Unis mettent alors la main sur des centaines, voire des milliers de combattants, dont des terroristes potentiels. Et ceux-là, il va falloir les faire parler aussi longtemps que possible pour prévenir de nouveaux attentats et obtenir des renseignements. Les États-Unis vont alors décider de déporter ces prisonniers hors d'Afghanistan pour les interroger en territoire américain. Le jour où les talibans sont délogés de Kaboul, à Washington, le président Bush promulgue un décret militaire intitulé « Détention, traitement et jugement de certains ressortissants étrangers dans la guerre contre le terrorisme ». Il ordonne alors au secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, de trouver un lieu approprié pour maintenir en détention ces terroristes, les pires des pires, dit-il. Et c'est sans hésitation que la base militaire américaine de Guantanamo est choisie pour raisons pratiques et juridiques. D'abord, l'endroit est isolé, coincé entre une mer de requins et un no man's land miné, et surtout, elle présente l'énorme avantage de ne pas se trouver sur le sol américain. De fait, les prisonniers n'ont pas accès aux droits garantis par la Constitution des États-Unis. Autrement dit, ils ne pourront pas contester auprès des cours fédérales la légalité de leur détention. Vendredi 11 janvier 2002, 4 mois jour pour jour après les attentats du 11 septembre, les premiers prisonniers de la guerre d'Afghanistan débarquent à Cuba. Ils sont 20, venus du bout du monde, talibans ou membres présumés d'Al-Qaïda, arrêtés sur le champ de bataille ou dans les camps d'entraînement djihadistes. 20 silhouettes oranges, totalement étrangères à ce qui les entoure. Gantés, ils portent des lunettes opaques, des casques assourdissants et des masques sur la bouche. Sitôt débarqués, ils sont agenouillés, pieds croisés, mains dans le dos. Et lorsque les prisonniers peuvent enfin relever la tête, libérés de leurs entraves, ils découvrent le camp X-Ray, une prison transparente, semblable à un chenil de plein air, surmonté d'une multitude de miradors où sont postés des hommes en armes. Quelques jours plus tard, Nizar Sassi passera aussi par là. Ce Français de 22 ans a été arrêté quelques semaines plus tôt au Pakistan, alors qu'il fuyait l'Afghanistan où il s'entraînait aux côtés d'Al-Qaïda. J'étais en enfer, dans une terre de paradis en fait, parce que le décor était magnifique, mais le traitement était ignoble. Il faut savoir que j'ai fait à peu près 21 heures d'avion avant ça, drogué et attaché de la tête aux pieds, sans pouvoir respirer, encagoulé. Après ça, je suis passé par, comme ils appelaient ça, un comité d'accueil. On nous a fait passer la visite médicale de force. On nous a mis tout nus devant tout le monde. Ils nous ont auscultés jusqu'à dans l'anus. Ils nous ont traînés et ils nous ont jetés. Ils ont empilé des détenus sur détenus qui étaient carrément nus. C'est-à-dire que moi, j'étais en dessous et il y avait des détenus qui étaient au-dessus de nous. Et ça faisait une sorte de petite montagne comme ça. Il y a une série d'humiliations et de brutalisation, de terrorisation aussi, parce qu'ils cherchent à vous faire comprendre que c'est eux les maîtres. Le camp X-Ray pourrait faire penser à un vaste terrain de sport s'il n'était pas composé de 320 cellules grillagées construites à la hâte. À 1m80 de large, 2m40 de long, voilà à quoi se résume désormais l'univers des prisonniers, protégés des intempéries et de la chaleur par un simple toit de tôle. Sur le sol en ciment, un matelas en mousse et deux seaux, un pour l'eau, l'autre en guise de latrine. Pour le reste, les prisonniers disposent d'une couverture, d'une paire de tongs, d'un nécessaire de toilette et du Coran. Ici, ils vont devoir apprendre à vivre, ou plutôt à survivre, au rythme des interrogatoires et du temps qui passe. Deux sorties par semaine sont autorisées, 15 minutes de marche, 5 minutes de douche. Et puis à 18h, les projecteurs s'allument, car l'ordre a été donné de supprimer la nuit. Récit d'une journée type par Nizar Sassi. Une journée type, c'est se lever le matin, à 6-7h, je crois, quelque chose comme ça. Après, essayer de déjeuner. Pourquoi vous dites essayer ? Parce que c'est plus goûté qu'un déjeuner, c'est plus on goûte qu'on déjeuner, parce qu'il n'y avait rien en fait. On était suivis par des nutritionnistes, ils nous pesaient au gramme près en fait, pour ne pas nous laisser trop maigrir et pas nous laisser grossir en fait. Mais c'est compréhensible dans le sens où on ne sort pas de la cellule. C'est-à-dire qu'ils calculaient au mouvement, et il n'y a pas de mouvement. Donc pour eux, les calories qu'on avait dans cette assiette suffisaient amplement. Mais une journée type, c'est se lever le matin, déjeuner, essayer de redormir après un peu, bouquiner, mais bouquiner quoi, à part le Coran, il n'y a rien. Ils ont laissé le Coran, c'est pas par bonté, c'est plus pour montrer ce qu'eux voulaient montrer, qu'ils disaient que voilà, nous on ne fait pas une guerre contre l'islam, mais contre le terrorisme. C'était que pour cette raison-là qu'ils ont laissé le Coran. Sinon, les Américains, s'ils pouvaient nous laisser tout nus dans la cellule, ils nous ont laissé tout nus dans la cellule. Ces images d'un quotidien d'un autre temps, d'un bagne au bout du monde, sont pour l'heure invisibles. Le 11 janvier, jour du premier transfert des détenus à Guantanamo, photographes et caméramans sont tenus à distance, à plus de 500 mètres de l'avion. On n'est pourtant jamais autant embarrassé que par les siens, et ce sont des photos prises et approuvées par le département de la Défense qui vont déclencher le scandale. Publiées dans la presse le 20 janvier 2002, les images de ces hommes sans nom, enchaînés, aveuglés, bâillonnés, choquent l'opinion publique européenne. C'est en Grande-Bretagne que l'émotion est la plus vive. The Guardian rappelle que gagner une guerre n'autorise pas le vainqueur à humilier le vaincu. De leur côté, les Américains ont moins d'état d'âme et attribuent l'indignation des Européens à leur anti-américanisme chronique. Il est vrai que les conditions de vie à Guantanamo ne diffèrent pas tellement finalement de celles des prisons de droit commun aux États-Unis. Le transfert des prévenus trébuchant sur leur chaîne en combinaison orange est une image familière des journaux télévisés. Et puis, surtout, le choc des attentats a assourdi les critiques potentielles. Quant à l'armée, elle ne comprend pas qu'on puisse se soucier de la dignité de ces hommes. Écoutons par exemple cette jeune marine américaine, gardienne à la prison de Guantanamo. Pour cette jeune femme, il n'y a aucun problème. Si vous allez à New York, dit-elle, et que vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent, ils vous diront qu'on les traite trop bien. Ils ont de la nourriture, des douches, un toit. Un clochard à New York n'a pas tout ça. Au-delà de la polémique sur le traitement physique des détenus, il en existe une autre, plus importante encore, car il y a une faille à Guantanamo. Elle est juridique. Personne ne sait de quoi sont accusés ces prisonniers, ni même les circonstances de leur capture. Ils n'ont ni avocat, ni juge. D'ailleurs, pourquoi sont-ils interrogés sans cesse, alors qu'aucune charge officielle, explicite en tout cas, n'a été retenue contre eux? Pour combien de temps sont-ils là? Sont-ils torturés? Et encore une fois, quel est leur statut? Détenus, combattants irréguliers ou prisonniers de guerre? Voilà la principale question à laquelle doit répondre l'administration Bush. Et elle doit trouver très vite la catégorie juridique ad hoc pour qualifier ces prisonniers qui sont déjà plus de 300 à Guantanamo en cette fin janvier 2002. Car les mots ont un sens et génèrent en démocratie un certain nombre de droits nationaux ou internationaux. Arrêtés en pleine guerre contre l'Afghanistan, ils devraient en tout état de cause être qualifiés de prisonniers de guerre. Mauvaise pioche, c'est exactement la formulation à éviter car ils relèveraient dès lors des conventions de Genève. Ces quatre conventions, signées en 1949 et adoptées par les États-Unis, constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international. La troisième convention concerne justement les prisonniers de guerre. Un statut qui n'est pas automatique. Le combattant doit en effet posséder un signe distinctif, porter ses armes ouvertement et se conformer aux lois de la guerre. En contrepartie, un prisonnier des combats ne pourra pas être interrogé à des fins de renseignement. Voilà qui est impensable pour l'administration Bush, dont la priorité est de prévenir d'éventuels attentats et de capturer Ben Laden. Le 27 janvier 2002, le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, est sur place au camp de détention de Guantanamo. Et là, il évoque le statut particulier de ses prisonniers. Al-Qaïda n'est pas un pays. Ces hommes ne se comportent pas comme une armée. Ils ne portent ni uniforme ni insigne. Ils ne portent pas ouvertement leurs armes. Il s'agit d'un réseau terroriste. Et ce serait une mauvaise interprétation des conventions de Genève que de considérer Al-Qaïda, un réseau terroriste, comme une armée. Plutôt que de tergiverser, le ministère de la Défense va opter pour une trouvaille appelée « combattants illégaux ». Officiellement inscrite dans le USA Patriot Act, signé par George Bush en octobre 2001, cette expression inventée est un bricolage judiciaire qui permet aux États-Unis de passer outre les conventions de Genève. Il fallait avant tout que ces règles ne constituent pas un obstacle aux interrogatoires. Et la question se pose, le droit international est-il encore adapté à la situation créée par l'émergence des réseaux terroristes internationaux ? Les États-Unis répondent par un non catégorique et dictent de nouvelles règles pour justifier leur choix. Ainsi, le 2 décembre 2002, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, signe un mémorandum conseillant différentes méthodes d'interrogatoire, de la nudité jusqu'aux positions stressantes. Et en fin de compte, s'il doit y avoir un procès, George Bush ressort du tiroir les commissions militaires, une institution oubliée depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais pour l'heure, personne n'est capable de dire où et quand siégeront ces tribunaux d'exception. Les prisonniers de Guantanamo, eux, continuent à faire les 100 pas. Suite au scandale des premières photos et aux avertissements du Comité international de la Croix-Rouge, seule organisation autorisée à s'entretenir avec les prisonniers, le camp provisoire X-Ray laisse place au nouveau camp Delta. 19 blocs de 24 cellules, eau courante et toilettes intérieures. À l'entrée, un panneau d'un mètre sur deux et demi, placé à hauteur des yeux, rappelle la devise de la Joint Military Task, force militaire qui gère le centre, « Défendre la liberté et notre honneur ». Mais malgré ces nouveaux équipements, la situation à Guantanamo n'évolue guère. Le sort des prisonniers enfermés en zone de non-droit revient de façon cyclique dans les journaux pour mieux se faire oublier ensuite. Et ce n'est que 2 ans plus tard, le 28 avril 2004, qu'un nouveau scandale dans une autre prison américaine vient réveiller les consciences, le scandale d'Abu Ghraib. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. L'Irak maintenant, les États-Unis sont confrontés à une nouvelle affaire embarrassante. La télévision américaine CBS a diffusé des images de prisonniers irakiens victimes de mauvais traitements. Un général a été suspendu. Les sévices que ces prisonniers auraient subis de façon régulière à l'automne dernier se caractérisaient par leur orientation sexuelle. Certains ont été contraints de se masturber en public, d'autres de mimer des fellations. Autant d'actes outrageants dans la culture arabo-musulmane. Voilà ce que des Américains ont fait à des prisonniers irakiens. La voix est posée, mais on sent le journaliste profondément choqué. Ils m'ont encore plus maltraité que sur les photos montrées à la télévision. Ils nous déshabillaient, nous battaient, nous humiliaient. Et on ne pouvait pas dire tout le mal qu'ils nous faisaient. Cet homme est attaché à des fils électriques. Et on lui a ordonné de rester ainsi en équilibre sur cette boîte. En cas de chute, il serait électrocuté. Ce matin, 6 officiers américains qui ont participé à ces actes de torture ont reçu un blâme écrit, ce qui signifie la fin de leur carrière. À la guerre en Afghanistan succède la guerre en Irak, commencée officiellement le 20 mars 2003. En quelques jours, la coalition menée par les États-Unis renverse le régime de Saddam Hussein. Et la prison centrale de Bagdad, plus connue sous le nom d'Abu Ghraib, passe sous commandement américain. Un an plus tard, le 28 avril 2004, le scandale éclate sur la chaîne américaine CBS, qui révèle des photographies d'exactions commises par des soldats américains dans la prison d'Abu Ghraib. Les journaux du monde entier publient ces clichés insoutenables, obscènes. On y voit des prisonniers irakiens nus, sac noir sur la tête, prostrés dans des positions humiliantes, forcés de simuler des actes sexuels. Autour d'eux, des soldats américains, hommes et femmes, posent fièrement, hilares. Cette armée, venue au prétexte de répandre la démocratie, est prise en flagrant délit de barbarie. Alors, s'agit-il d'un débordement malencontreux ? Ces soldats sont-ils de simples brebis galeuses, comme le répète le secrétaire de la Défense ? Pour les principaux accusés, comme pour Amnesty International, ces actions sont au contraire le résultat d'un système pensé et mis en place par l'administration Bush. Janice Karpinski, générale de brigade à Abu Ghraib, chargée des opérations de détention en Irak, évoque le rôle décisif du général Miller, le commandant du camp de Guantanamo. Le général Miller a pris le contrôle des opérations d'interrogatoire. Il m'a dit, à Guantanamo, on a appris que les prisonniers doivent mériter ce qu'ils ont. Il m'a dit, ce sont comme des chiens, et si nous les laissons croire à un moment quelconque qu'ils sont plus que des chiens, alors nous ne pourrons plus les contrôler. Le Le scandale de Guaib rallume ainsi les projecteurs sur le centre de détention de Guantanamo, symbole désormais de cette Amérique post-11 septembre qui torture impunément. L'opinion et la presse américaine s'emparent enfin du sujet, alors que près de 600 combattants illégaux sont déjà passés par les geôles de Guantanamo. D'autres voix s'élèvent pour demander sa fermeture, comme les anciens présidents Bill Clinton ou Jimmy Carter. De son côté, le Sénat mène l'enquête. L'armée et la CIA ont-ils été autorisés à torturer en Afghanistan, à Guantanamo Bay ou ailleurs? La pression monte dans le camp de George Bush, d'autant plus que les élections présidentielles sont dans quelques mois à peine. Et son principal adversaire, le démocrate John Kerry, jouit d'une grande popularité. Pour calmer le jeu, l'administration Bush multiplie les prises de parole. Le 10 juin 2004, lors d'une conférence de presse, Bush élude la plupart des questions et il affirme « Ce que j'ai autorisé, c'est que nous restions dans le cadre de la loi américaine. Nous respectons les lois. Cela devrait vous rassurer. » Voilà qui est dit, reste à le croire sur parole. Sur le terrain, Washington autorise enfin la venue d'avocats civils à Guantanamo. Et la Cour suprême américaine reconnaît aux prisonniers le droit d'être jugés par la justice américaine. Oui, tout s'arrange à Guantanamo. Et si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, Washington organise plusieurs fois par mois des visites du centre de détention pour les journalistes du monde entier. Donc, suivez le guide. C'est complètement surréaliste. C'est ubu, quoi. On nous fait venir sur un tarmac qui est à peu près à une centaine de mètres des cages. L'endroit maintenant est bâché. On doit signer un papier avant d'y aller, disant que si en passant à travers les cages bâchées, quelqu'un nous parle, on n'a pas le droit de répondre. Que si jamais on répond même à est-ce que ça va, on sera on sera déporté, on sera renvoyé chez nous. C'est arrivé à un journaliste de la BBC d'ailleurs. Maintenant, il y a le camp X-Ray qui est effectivement le camp qui ressemble vraiment à un camp de concentration où il y a des miradors, où il y a ces cages qui sont en plein soleil, il fait plus de 40 degrés et vide maintenant. Ils les ont transférés dans le camp Delta. Et dans le camp Delta, il y a le camp 1, 2, 3, 4 selon le degré de collaboration donc, du détenu. Donc si on est un bon détenu et qu'on collabore, qu'on donne des informations, on aura un gobelet pour boire de l'eau, on aura une brosse à dents. C'est des objets qui sont censés rapporter du réconfort. Donc tout ça, en fait, on repart en fait avec beaucoup plus de questions qu'on était arrivé. Et l'on a la possibilité de repartir avec un t-shirt ou un mug. Voilà, où il ça est écrit « I was in Guantanamo ». C'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est d'un cynisme absolu. Et donc le t-shirt représente un rat qui est enchaîné avec un boulet et c'est marqué « Taliban Ball », donc partie de « bowling taliban » avec marqué « on les a attrapés ». Nizar Sassi, lui, sort de prison le 26 juillet 2004. Après 30 mois passés derrière les barbelés cubains, il en aura encore 18 purgés derrière les barreaux français. À son arrivée en France, d'ailleurs, il est arrêté immédiatement et écroué pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. George Bush, lui, est réélu en novembre 2004 pour 4 ans supplémentaires. Et pour Guantanamo, c'est le retour au statu quo. Jusqu'à cette nuit du vendredi 10 juin 2006. Au petit matin, 3 prisonniers, 2 saoudiens et 1 yéménite, sont retrouvés morts, pendus dans leur cellule. Rien que pour l'année 2005, l'armée a recensé 120 tentatives de pendaison, toutes déjouées. C'est que l'administration de Guantanamo se donne du mal pour éviter les drames à répétition, car ils provoqueraient un désastre en termes d'image. Alors, les grévistes de la faim sont rapidement hospitalisés et alimentés de force. Ceux-là, d'ailleurs, on ne les compte plus depuis 2002, tant qu'ils sont nombreux. Quant aux dépressifs, ils sont légions, eux aussi. On les gave de médicaments. Un médecin du camp estime que 40% des détenus sont tous sous traitement à coups d'antidépresseurs, hypnotiques, anxiolytiques, antipsychotiques et autres sédatifs en hic. Pour les autorités du camp, ces suicides ne sont pas des actes désespérés face à une détention aveugle et indéfinie. Non, il s'agit en réalité d'un acte d'hostilité. Depuis quelque temps, l'ambiance était devenue explosive à Guantanamo. Mutinerie le mois dernier, 41 tentatives de suicide, 18 grévistes de la faim, nourris de force depuis le mois d'août dernier. Et pourtant, pour le chef du camp, ces suicides n'ont rien à voir avec le désespoir. Je ne pense pas que ce soit un acte de désespoir, c'est un acte de guerre dirigé contre nous. Les trois suicidés de Guantanamo seraient en somme des kamikazes, qui ne se seraient donné la mort que pour mettre le gouvernement des États-Unis dans l'embarras. C'est la thèse officielle et c'est faire peu de cas de la monstruosité juridique que constitue ce camp, monstruosité qui est critiquée même par les plus fidèles alliés des Américains. À la brutalité physique s'ajoute donc une brutalité psychologique qui s'accroît à mesure que les années passent. Et puis cette question lancinante, terrible pour les prisonniers, combien de temps encore derrière les barreaux ? 760 personnes sont passées par le centre de détention de Guantanamo, il en reste à présent 460. Seulement 10 hommes ont été formellement inculpés et aucun n'a encore été jugé. Les interrogatoires, eux, n'ont jamais cessé. Mais pour quel résultat ? Le système est-il efficace ? En juin 2006, le New York Times publie une grande enquête sur le sujet. Et force est de constater qu'il n'y a pas de gros poissons à Guantanamo. Plus encore, seuls quelques-uns sont effectivement des membres d'Al-Qaïda ou des militants capables de fournir des informations. Ils seraient une dizaine pour certains, une vingtaine pour d'autres. Le seul prisonnier important est Mohamed Al-Qahtani, saoudien, suspecté d'être le 20e pirate de l'air des attentats du 11 septembre, mais refoulé à l'aéroport d'Orlando. C'est bien maigre face à la polémique que suscite depuis toutes ces années Guantanamo. Maigre aussi face à l'image désastreuse que donne Guantanamo de la justice américaine. Alors, faut-il fermer le camp ? En ce 14 juin 2006, George Bush commence lui-même à le penser. J'aimerais bien fermer Guantanamo, mais il faut bien reconnaître que nous détenons là-bas des gens sacrément dangereux. Il vaudrait mieux que nous nous occupions de ces gens devant les tribunaux. À mon avis, la meilleure façon, ce serait de les faire comparaître devant des tribunaux militaires. Mais j'attends la décision de la Cour suprême. Nous sommes un état de droit guidé par la loi. Ces gens ont été arrêtés sur le champ de bataille. Ils sont très dangereux. Mais nous resterons équilibrés. Plus tard, ils seront jugés. Ils auront droit à un défenseur. Ils seront présentés devant une cour de justice. Pourtant, jusqu'à la fin de son mandat en novembre 2008, George Bush maintiendra Guantanamo. Par manque de volonté peut-être, mais aussi parce qu'il est très difficile légalement de fermer ce site. L'autre problème se situe sur un plan plus symbolique. Vider Guantanamo pour ne garder que quelques inculpés serait l'aveu d'un échec sans pareil pour le président sortant. Imaginez toute cette transgression pour en arriver là. Non, c'est impossible. Et malgré les promesses de campagne du candidat Obama, en 2008, réitérées en 2012, la prison forteresse de l'île de Cuba est encore en service et parfois en sévice. Une cinquantaine de prisonniers y attendent toujours un semblant de justice. Come back from Guantanamo. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Guantanamo, avec notre invité Yves Prigent, responsable du programme Responsabilité des États et des Entreprises chez Amnesty France, branche française d'Amnesty International. Bonjour Yves Prigent. Bonjour. Première question après tout cela, et presque par réflexe d'ailleurs, que se passe-t-il aujourd'hui, là, au moment où nous parlons à Guantanamo ? La même chose. C'est-à-dire que nous sommes exactement dans la même situation, avec certes des situations qui ont évolué, puisqu'on ne parle plus de 460 détenus, mais d'une soixantaine, 50, mm-hmm. entre 50 et 60 à peu près. Mais ils sont toujours dans la même situation de non-droit, la même situation d'expectative vis-à-vis de leur sort judiciaire, ou leur sort tout court, pour ceux qui, pour une quarantaine d'entre eux, sont considérés de l'aveu même de l'administration américaine comme libérables. Et qui pourtant sont toujours à Guantanamo dans les mêmes conditions de détention, donc isolement complet, avec des conditions effectivement comparables à ce qu'on retrouve sur le sol américain, avec le principe des prisons à très haute sécurité, donc qui sont très déshumanisantes, avec très peu de contacts sociaux et très peu de contacts avec quiconque à l'extérieur. Et donc ces détenus-là sont toujours dans la même situation. Et quel est leur profil ? Pourquoi sont-ils encore détenus ? Et d'ailleurs, vous me dites que sur les 60, une quarantaine sont considérés comme libérables. Tout à fait. Donc il y en aurait 20 qui seraient, entre guillemets, irrécupérables dans la mentalité américaine. Alors avec beaucoup de guillemets, les 20 en question sont ceux sur lesquels il y aurait impossibilité de les relâcher et donc, a priori, besoin de les traduire en justice. Après ça, c'est tout un autre débat sur le fait de comment on les traduit en justice. Et donc, effectivement, les 40 autres sont supposés libérables, sauf que les États-Unis ne savent pas où les renvoyer. Ne peuvent pas les renvoyer vers leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux sont yéménites, par exemple, et donc on ne peut pas décemment les renvoyer vers le Yémen, parce que la situation est particulièrement instable. Et même avant le conflit actuel qui prévaut au Yémen, les États-Unis se refusaient à les renvoyer là-bas parce qu'ils avaient peur qu'ils repartent les armes à la main, rejoindre Al-Qaïda au Maghreb, sur la péninsule arabique. En tout cas, considérer que le gouvernement yéménite ne présentait pas assez de garanties pour s'assurer que ces gens-là ne rejoindraient pas le champ de bataille à terme. Et donc, ces détenus-là sont toujours dans cette situation, puisque les États-Unis mettent des conditions à leur libération. Et quelque part, les États-Unis font peser la responsabilité de leur libération à des États tiers qui ne veulent pas forcément les accueillir bras ouverts, que ce soit leur État d'origine ou d'autres. Et donc, de longue date, en fait, depuis les premières libérations, les États-Unis ont tout d'abord commencé à libérer vers les pays d'origine, puis s'est rapidement posé la question de qu'est-ce qu'on fait des détenus qui risquent d'être tués dans leur pays d'origine. C'était le cas d'une petite douzaine de détenus ouïghours qui venaient de Chine, par exemple. Donc là, les États-Unis se sont dit, non, on peut pas décemment les renvoyer là-bas, ils risquent la peine de mort. Puis après, au fur et à mesure que finalement, les choses retombaient un peu et qu'on s'attaquait un peu au dossier, on se rendait compte que de plus en plus de détenus étaient libérables et il fallait trouver des solutions. Donc les États-Unis, par la voie de sa diplomatie, a entamé des négociations avec un certain nombre d'États pour se débarrasser, entre guillemets, de ces détenus très dérangeants et faire peser la responsabilité de leur transfert sur ces pays-là. Alors, vous me parliez des méthodes, les méthodes sont les mêmes, oui, me répondiez-vous, il n'y a pas eu d'amélioration quand même, après l'image désastreuse d'Abu Ghraib et de tout ce qu'on a pu dire de Guantanamo, et après, j'ai cru comprendre quand même un léger progrès entre les méthodes dans le premier camp et le deuxième camp, là, avec le temps qui passe, et puis le temps peut panser certaines plaies hein, également. C'est toujours des méthodes déshumanisantes. Alors, les évolutions sont certes constatées sur la question des interrogatoires. Il y en a beaucoup moins maintenant, puisque de toute façon, ces détenus-là sont là depuis tellement longtemps qu'on imagine très mal ce qu'ils peuvent apporter comme élément nouveau. Ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, ils n'ont plus aucune information récente. Mais ça, en fait, on se posait même déjà la question au bout de quelques mois, voire on va dire sur les deux premières années, pourquoi continuer les interrogatoires à un rythme tel quand les détenus qui se trouvaient à Guantanamo n'avaient plus aucun élément nouveau. Donc, évidemment, les interrogatoires se sont largement allégés. Il y a eu des conditions de détention beaucoup moins violentes, etc. Néanmoins, le mal était déjà fait. Ces détenus-là sont trouvés quasiment pendant de très longues années sans aucun contact avec leur famille. Ils ont pu en avoir peu à peu via le CICR, la Croix-Rouge. Mais les dommages sur le plan psychologique, psychique, et puis les dommages physiques aussi étaient déjà là. Pour certains, irrémédiables. Donc on sait qu'il y a un très très très grand nombre de pathologies psychiatriques qui se sont développées chez les détenus, du fait de l'isolement, du fait du traumatisme, du fait de la violence, du fait de toutes les blessures non guéries, non traitées. Les aspects extérieurs sont traités à Guantanamo. Il y a de très bons médecins, de très bons dentistes. Hein, les détenus que j'ai pu rencontrer, certains détenus français également, m'ont raconté combien ils avaient été très très bien traités au niveau de la dentition, mais toujours avec des méthodes très humiliantes. C'est-à-dire qu'on ça ne se fait jamais simplement à Guantanamo. Hein. Quelqu'un qui demande un rendez-vous chez le médecin ne sait jamais quand il va avoir lieu. Et généralement, il peut arriver à 3h du matin qu'on vienne l'extraire de sa cellule comme s'il avait commis un acte de rébellion, mais c'est juste pour l'emmener chez le dentiste. Et est-on si éloigné des méthodes des prisons de droit commun aux États-Unis et même parfois en France, je le dis, puisque la France a été maintes fois épinglée hein, pour l'état de ses prisons et la façon dont on gère les prisonniers. Est-ce que c'est vraiment éloigné ? On n'est pas si éloigné. Sauf par rapport à la justice et au procès. Hein, dans l'état de droit comme les nôtres, on sait quand on aura son procès. Ça. Bon. Un détenu français, effectivement, sait où il en est dans son parcours carcéral, ce qui n'est pas le cas de ces détenus-là. On n'est pas si éloigné d'un traitement fait à un détenu d'une prison de très haute sécurité sur le sol américain, avec une des grandes différences, c'est qu'il ne s'agit pas de l'administration pénitentiaire, mais de l'armée, et donc avec des conditions quand même très particulières. Mais on est sur un régime extrêmement dur. Et le régime carcéral américain, je dirais, classique, est lui-même peu exempt de reproches. Enfin, il y a beaucoup de choses à redire là-dessus, en particulier sur tout ce qui a trait à l'isolement. On connaît de longue date les dommages qui sont commis par une détention à longue durée, placée à l'isolement, avec toutes les pertes de repères, etc. Donc on est sur ce registre-là. Alors, la question qui vient à l'esprit, c'est se dire, ça pose un problème d'image pour les États-Unis, les prisonniers qui sont encore là. Ben, on voit pas trop ce qu'ils pourraient dire de plus que ce qu'ils ont dit ou pas dit d'ailleurs à travers de nombreux interrogatoires. Vous l'avez dit vous-même. Donc, on s'est dit, mais alors pourquoi ne pas fermer Guantanamo? Ou alors pourquoi est-il si difficile de fermer Guantanamo? Et ça manque de volonté? Y a-t-il de vraies difficultés légales, stratégiques? Car rappelons que c'était une promesse forte, hein, de la campagne d'Obama en 2008, sa première, qu'il a répété en 2012, alors candidat à sa réélection. On va l'écouter d'ailleurs, lors d'une conférence de presse, c'était le 1er mai 2013, à l'occasion du bilan de ses 100 premiers jours du deuxième mandat, eh bien, il relance sa promesse de fermer Guantanamo. L'espace d'une minute, on se serait cru pendant la première campagne de Barack Obama. L'idée qu'on continue à maintenir plus de 100 personnes dans un no man's land à perpétuité est contraire à ce que nous sommes et contraire à nos intérêts. Il faut que ça cesse. Je continue à croire qu'il faut fermer Guantanamo, ajoute le président américain qui redit, comme il l'avait fait en 2008, Guantanamo n'est pas nécessaire. C'est cher, inefficace, la nuit à notre renommée internationale, c'est un outil de recrutement pour extrémistes. Il faut fermé, mais le Congrès a déterminé qu'il ne fallait pas le faire. Je vais m'y remettre. En réalité, c'est vrai que le Congrès n'a pas voté les crédits pour mettre les hommes dans une prison sur le sol américain. Il a aussi bloqué certains transferts. Mais depuis l'année dernière, les avocats ont donné des clés au Pentagone pour lever les restrictions qui pèsent sur au moins 86 hommes de moindre importance. Rien ne s'est produit. Et en attendant, implicitement, Obama approuve l'alimentation de force de 21 des 100 prisonniers en grève de la faim. Je ne veux pas que ces individuels meurent. Je ne veux pas que ces gens meurent, dit-il. Le secrétaire à la Défense a reçu une lettre cinglante de l'Association médicale américaine. De multiples groupes d'éthique sont révoltés par ce qu'ils appellent le gavage des prisonniers. Clairement, l'administration commence à paniquer, mais sa seule réponse à court terme, c'est d'envoyer 40 médecins et infirmières pour tenter de maîtriser cette grève de désespérance. Il y a presque quelque chose de schizophrénique dans la pensée d'Obama qui dénonce lui-même des pratiques qui continuent à être en service dans le pays dont il est le président. Pourquoi c'est si difficile de fermer Guantanamo? Eh bien, à ce moment-là, et ça n'a pas changé depuis, Obama n'a plus la majorité au Congrès. C'est-à-dire qu'il est bloqué par cette majorité qui est républicaine et qui ne veut pas de la fermeture de Guantanamo. Et pourquoi elle n'en veut pas? Surtout, en fait, ce qu'elle ne veut pas, cette majorité-là, c'est elle ne veut pas voir ces gens-là arriver sur le sol américain. Parce que leur présence sur le sol américain leur ouvre des droits au même titre que n'importe quel justiciable sur le sol américain. Donc il bouge pas. C'est... Donc il y a un statu quo. Ouais. Il y a effectivement un statu quo qui fait que qui est précisément lié à la raison d'être de Guantanamo, à la raison qui a motivé son ouverture, c'est-à-dire de créer un statut complètement hors sol, complètement éthéré, qui est de mettre des gens dans les limbes, parce que justement la localisation de ce camp-là précisément permet de tout faire, parce que ce n'est pas sur le sol américain. Et c'est cette raison-là aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus que la justice américaine pourrait très difficilement les rapatrier et les juger en conformité avec des règles de droit par rapport à tout ce qu'ils ont subi en termes de torture et de mauvais traitements dans ce centre. Un état de fait, quoi, maintenant, en gros. C'est un état de fait qui est absolument inextricable. Est-ce que vous êtes inquiet après l'élection de Donald Trump, qui disait, lors d'un meeting de campagne dans le Nevada, c'était le 26 février 2016, il disait que s'il était élu, il garderait la prison de Guantanamo ouverte et qu'il allait, alors je le cite, remplir cette prison avec des méchants. Bon, il a sa façon de s'exprimer. Alors, enfin bon, Guantanamo aurait-il, si j'ose dire, de beaux jours, aurait-elle de beaux jours devant elle? C'est effectivement quelque chose qu'on est en droit de craindre, à plusieurs titres, de craindre qu'on continue à utiliser ce type d'outils, ce type de camp pour lutter contre le terrorisme. On le voit après toutes ces années, là, en janvier prochain, ça fera 15 ans, que ça n'a pas servi à arrêter des attentats, ça n'a pas servi à contrecarrer par exemple la montée de Daesh, à battre le terrorisme mondialement. Donc on voit que c'est globalement inefficace. La plupart des spécialistes, notamment en Israël, considèrent que ce type de méthodes-là sont complètement inefficaces pour lutter et surtout rapporter du renseignement. Donc ça, c'est la première chose. On voit que ces méthodes-là n'ont pas été efficaces. C'est peut-être un message politique, hein, pour les Américains eux-mêmes. Voyez, très certainement. Voyez, nous, États-Unis, les terroristes, voilà ce qu'on en fait. Ah, pour le peuple, ça peut marcher, ça. Oui, absolument. Mais c'est d'ailleurs le même type d'approche qu'avait George Bush quand il a ouvert ce camp-là. Il fallait donner des résultats tangibles à quelque chose qui foncièrement était intangible. Vous l'aviez d'ailleurs très bien dit. Hein, on s'attaque à un concept. Et à partir de là, comment on fait pour montrer qu'on gagne cette bataille-là? Donc là, la solution, c'était d'ouvrir Guantanamo. Donc la motivation de Trump là-dedans, c'est de justement montrer que lui, il sera fort, il sera costaud, il va rendre la force à l'Amérique en continuant ce type de méthode-là, à voir s'il sera en mesure de le faire, à voir si déjà il va le faire. L'autre chose qui est particulièrement préoccupante, c'est le signal que ça donne et qui quelque part minorise complètement tout ce qui s'est commis là-bas, toutes les violations de droits, toutes les violations des droits humains qui se sont commises là-bas. Et c'est un discours qui a toujours été problématique avec Guantanamo, parce qu'il donne du grain à moudre à tous les États tortionnaires partout ailleurs, en disant, ben voilà, pourquoi vous nous reprochez à nous de torturer quand les États-Unis le font? Ça, c'est l'un des aspects. Et un autre aspect, c'est aussi, ça tend à banaliser le recours à la torture, de finalement c'est pas si grave, il y a des enjeux plus forts, etc. Et on voit très bien ce discours c'est le discours du Patriot Act, pour tout d'ailleurs. Absolument. Tout devient moins grave au nom de la lutte antiterroriste, au nom de la sécurité. Comme quoi le terrorisme interroge aussi très sévèrement nos démocraties. Hein. Absolument, c'est un test absolu sur les démocraties. Le discours est très, je dirais, aussi très d'actualité par rapport à la France. Hein, bien sûr. On a vu certaines personnalités... Enfin, nous n'avons pas de Guantanamo, mais bon. Non, mais certaines personnalités réclamaient d'entamer une réflexion sur un Guantanamo à la française. Quand on voit les dommages que le Guantanamo que l'on connaît et dont on parle aujourd'hui ont pu commettre, ça serait assez désolant. Et surtout, c'est un test, effectivement, sur démocratie, parce que ça interroge nos valeurs. À ce titre-là, il y a un sujet assez intéressant qui était posé devant la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, au milieu des années 2000, sur le fait si oui ou non il était possible pour les forces de sécurité britanniques et la justice britannique d'utiliser des renseignements issus d'interrogatoires où la torture avait été pratiquée. Et la justice britannique, les Lords, ont décrété que non, parce que justement, même si certains États et certains régimes dans le passé ont pu démontrer que la torture pouvait être efficace pour casser des réseaux de renseignement, des réseaux de résistance, ce n'était absolument pas conforme dans les valeurs de la Grande-Bretagne. Et dès lors, on ne pouvait pas utiliser ce type d'outils. Alors, après la guerre en Afghanistan, les États-Unis décident d'expatrier leurs détenus et de les interroger en dehors du sol afghan. Donc ça, c'est la méthode Guantanamo. Mais enfin, une pratique pas si neuve, à en croire un certain nombre de rapports sur les prisons dites cachées de la CIA. On va écouter une archive datée du 24 janvier 2006 qui évoque le rapport accablant du rapporteur européen Dick Marty sur ce point. Des centaines de terroristes présumés ont bien été enlevés et transférés via plusieurs pays d'Europe par la CIA pour être interrogés sous la torture. C'est en tout cas la conviction de ce rapporteur européen qui ajoute que ces transferts ne pouvaient être ignorés par les pays concernés. De sources fiables mais sans preuve, il atteste aussi que des prisons secrètes ont bien été utilisées pour les interrogatoires. Des centres de détention en Roumanie, en Pologne, en Thaïlande, ou comme sur ces images satellites, en Afghanistan. Des prisons type Guantanamo pour interroger des prisonniers en dehors de toute légalité. La pratique de la torture serait cautionnée et même encouragée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, comme en atteste ce témoignage. Les gouvernements de Grande-Bretagne et des États-Unis sont prêts à accepter des informations obtenues sous la torture par des services secrets étrangers. Cela fait partie d'une politique délibérée et décidée au plus haut niveau du pouvoir. Selon plusieurs experts du renseignement, ce vaste programme de sous-traitance de la torture mis en place par la CIA est connu et toléré par tous les alliés des États-Unis depuis des années. Voilà, délocalisation ou sous-traitance de la torture, dont c'est un fait, hein, réel. C'est un fait réel, il y a eu très nombreux rapports, bon, Amnesty, on a publié Human Rights Watch, puis on vous l'avait dit, le Conseil de l'Europe également, donc le Parlement européen aussi a évoqué la question, a passé des résolutions sur ce sujet-là. Déjà, on estime qu'il y en a combien et où ces prisons cachées. C'est éminemment complexe parce que par définition, on a cité la plupart des zones. Il y a eu aussi l'île de Diego Garcia qui a été utilisée, donc c'est un territoire britannique prêté aux Américains. Pas loin des îles Maldives. Voilà, tout à fait, une destination paradisiaque également. Ouais. Également des centres de détention qui étaient sur des bateaux, encore plus difficile à tracer forcément, des navires de l'armée américaine qui détenaient des personnes comme ça, donc impossible d'y accéder, et puis toujours en déplacement et dans les eaux internationales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là a été mis en place en fait dès l'administration Clinton. Ah bon, avant oui, les attentats du... Absolument avant. Ouais. Les attentats du 11 septembre ont fait changer complètement l'échelle de fonctionnement de ce système, mais il existait avant. C'était une façon pour les États-Unis de lutter contre le terrorisme, d'abattre des gens, enfin d'interpeller, de donner les moyens d'atteindre des ennemis, des terroristes, partout dans le monde, à tout moment. C'était ça le principe. Des accords ont été passés avec un certain nombre de pays, et puis à la fois pour avoir des centres de détention directement, ou alors de sous-traiter et de transmettre des détenus à d'autres gouvernements. Et là, il en subsiste aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Possiblement. Il est extrêmement difficile d'en attester. Oui, mais je comprends qu'on ne peut pas, par définition, répondre à cette question. Il nous reste 25 secondes. J'allais vous poser la question de savoir si pour Amnesty, c'est une question importante, cette question de Guantanamo, mais la passion avec laquelle vous m'avez répondu semble dire oui, évidemment. Vous êtes allé là-bas, pas vous personnellement, non. Mais peut-être mais Amnesty. Non, Amnesty a refusé d'y aller. On aurait pu demander, mais on aurait eu le même type de propositions de visite qui ont pu être faites aux journalistes, un très gentillet, tour guidé, main dans la main. Nous avons refusé de le faire, et au même titre que beaucoup d'autres associations. Merci infiniment, Yves Jean. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Guantanamo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons à la lumière de l'actualité sur la rivalité, le piteux spectacle donné par Jean-François Copé et François Fillon lors de l'élection du président de l'UMP. C'était il y a 4 ans, figurez-vous, quasiment jour pour jour.